Alors, nous voici. Alors, moi, je vais mettre Alexis à l'endroit qu'il mérite, hein, au central, au-dessus. Arrêtez. Alors, Alexis, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce qu'aujourd'hui, on est censé faire le point après 17 mois pour nous, parce que nous, les décodeurs ont commencé à peu près en avril 2020, mais toi, tu es là depuis une époque où j'avais encore des cheveux, tu vois, donc... et moi, à l'époque où je connaissais Alexis, tu n'étais même pas encore complotiste, Léo. Ah ouais, bah voilà. Alexis, ça fait un moment, moi, que je connais ce nom et puis que je suis ce gars-là sur Internet... Merci. Bah voilà. Alors monsieur le spécialiste du monsieur le complologue, on va t'appeler comme ça. Hein. donc spécialiste en complot. Qu'est-ce que tu penses du choix de la date d'aujourd'hui par rapport à l'évolution du plan? J'ai comme l'impression que la raison pour laquelle on a donné ces dates, à l'époque je savais pas, mais maintenant je sais, c'est parce que aujourd'hui, c'est indéniable qu'il y a un plan en arrière-plan qui est en train de servir à juger Babylone, si je peux dire ça comme ça, en fait. Tu vois, est-ce que toi, en tant qu'Alexis, tu te poses encore des questions par rapport au plan qu'il pourrait avoir en arrière-plan, par rapport à Trump, par rapport à Q et toutes ces choses-là, en fait? Non, moi, je me pose pas de questions là-dessus. C'est juste que des fois, tu vois, quand on fait face à une nouvelle, des fois, ça prend du temps avant de l'interpréter dans le cadre du plan. Tu vois, donc, mais c'est toujours la phrase la plus importante selon moi, c'est future proofs past, hein. C'est-à-dire qu'avec le temps, on comprend tout a posteriori et les raisons pour lesquelles les événements se déroulent comme ils se déroulent. Par exemple, le nécessaire passage de Joe Biden à la Maison Blanche. Pour les milliers de raisons que nous avons et que vous avez énumérées, c'est-à-dire afin de mener à terme l'enquête Durham sans accusation d'ingérence politique. Hein, on a beaucoup attaqué Trump là-dessus en 2019-2020. On disait qu'il politisait la justice et tout, alors que si tout se passe sous Biden, personne ne peut rien dire. Éviter aussi un backlash style... s'il y a des arrestations majeures, un backlash de style la mort de George Floyd et les émeutes partout aux États-Unis, on sait que les démocrates étaient profonds aux États-Unis, sont capables de mobiliser et de mettre la majorité des grandes villes à feu et à sang. Donc, alors que si c'est Biden qui est là, il n'y a pas d'objet de la colère. Hein, c'est Biden qui est pris avec le problème. Aussi, il y a des questions en relations internationales, c'est-à-dire que l'agenda de Trump d'éteindre tous les feux de l'État profond un peu partout, que ce soit en Syrie, en Ukraine, en Corée du Nord, etc. Il a fait une partie du travail sous son mandat, par exemple, avec la Corée du Nord et avec la Syrie. Il a éteint ça essentiellement. Mais tu vois, l'Afghanistan, ça a été négocié. Le retrait américain de l'Afghanistan a été négocié sous Trump. Sauf qu'il y a des éléments controversés, évidemment, à sortir les troupes américaines de l'Afghanistan. Et tout le monde allait, connaissant les journalistes aux États-Unis, ils allaient blâmer Trump pour paraître faible. Et là, il s'arrange pour que ça se passe sous Biden. Et donc, que Biden prenne l'odieux du retrait. Et là, je pense que c'est exactement la même chose avec l'Ukraine. C'est ce que je disais juste avant d'entrer en onde. C'est-à-dire que la concession, essentiellement, on se dirige vers une concession du Donbass. Là, présentement, la Russie reconnaît l'autonomie, mais éventuellement, j'ai l'impression que ça va être annexé à la Russie. Et donc, cette annexion territoriale, appelons ça comme ça, cette annexion territoriale a été probablement autorisé par Trump, mais encore une fois, ça se passe sous Biden, donc qui prend l'odieux de devoir gérer la crise avec les médias, etc. Donc c'est un plan extrêmement articulé qui s'inscrit sur la longue durée, extrêmement complexe. C'est vraiment, tu sais, quand on lit des livres d'espionnage, des John le Carré, des trucs comme ça, on est en plein dedans. le niveau de sophistication des plans de l'intelligence militaire, des agences de renseignement nous surprend toujours. Et puis là, mais quand on est dans la réalité, cependant, on n'est jamais capable de penser de cette façon-là. Or, c'est de cette façon-là qu'il faut penser quand on regarde ce qui est en train de se passer avec Trump, la reconstruction des agences de renseignement, le fait d'avoir retiré de la CIA les opérations spéciales et faire passer sous le département le département de la défense qui procède sous une logique de continuité de gouvernement, etc. C'est absolument, ça défie l'imagination, puis ça laisse un peu pas pantois, mais c'est, tu sais, on est un peu sidéré devant l'ampleur de la manœuvre. Ouais, merci d'avoir suivi le live et à très bientôt. Il a fait un résumé de. En fait, non, c'est ça qu'on disait juste avant de commencer le live. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a une partie du plan où il y a certaines choses que, d'un point de vue opinion publique, elles sont pas super chouettes, tu vois. Et c'est justement, on a mis longtemps à comprendre pourquoi Biden il fallait qu'il passe. Alors, premièrement, pour qu'ils arrêtent. Pour qu'il surveille tout et qu'il les chope vraiment à l'acte au niveau de la fraude électorale, mais surtout à le laisser en gros comme bouclier contre toutes les attaques comme tu viens de décrire. Et aujourd'hui, tout a un sens. Mais le truc, c'est qu'en effet, il faut connaître un petit peu certaines choses, il faut avoir un petit peu de recul dans tout ça et l'image de l'ensemble et savoir qu'il y a une grosse différence entre ce que les médias nous montrent et la réalité en arrière-plan, tu vois, pour pouvoir digérer la réalité. Elle est trop complexe en ce moment, oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important ce qu'on fait, c'est parce qu'on montre à beaucoup de personnes qui étaient comme relativement néophytes en politique internationale, etc., la bonne façon de concevoir les événements internationaux. C'est vraiment de l'éducation populaire. Les médias nous empêchent de réfléchir de façon intelligente lorsqu'ils nous présentent des événements internationaux. C'est toujours des raisons, tu sais, complètement ridicules. Par exemple, l'intervention canadienne en Afghanistan, c'était pour permettre aux petites filles d'aller à l'école. Tu sais, ils nous donnent toujours des raisons complètement ridicule. Et là, ce qu'on est en train de faire, les décodeurs, vous, nous, Radio-Québec et d'autres, c'est-à-dire qu'on est en train de permettre aux gens de réfléchir librement sur les grands enjeux internationaux, et c'est fantastique, ça. On a un travail d'éveilleur de conscience de ce point de vue-là. Il y a un autre aspect qui va au-delà... Bon, j'y vais, ok. Nico, je te donne la parole après. Il y a un autre aspect qui va au-delà de la politique internationale, c'est tout l'aspect Covid, en fait, parce qu'on se rend compte que l'exposition de Big Pharma et des Fauci et compagnie s'est fait majoritairement depuis que Biden, justement, est président. Et cette exposition-là, avec notamment les décès liés au vaccin, les effets secondaires et tout ça, que les médias font que cacher, ça aurait été beaucoup plus difficile d'arriver à cette espèce de dégoût généralisé de Big Pharma d'une grosse partie de la population si Trump était encore au pouvoir, parce qu'on aurait dit « Ah, mais c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable de ça ». Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Je trouve essentiellement qu'il y a une énorme mobilisation de la part de à qui vulgarisateur, à qui au contraire, ceux qui décortiquent un peu les événements qui se passent dans le monde. Et dès qu'on met le focus désormais sur tel ou tel événement, on peut... Aujourd'hui, on peut avoir des voix discordantes et du coup construire une opinion beaucoup mieux, quoi. Voilà, et sortir un peu du cliché des médias principaux qui sont gentils ceux-là, méchants ceux-là et puis bon, barre. Ouais, ça vient à un certain prix, hein, au niveau de l'entourage, etc. Mais bon, c'est le prix qu'il faut payer. Michael, si tu as des choses à dire, c'est maintenant. Non, c'est le prix qu'il faut payer, oui, mais quand on voit l'évolution qui s'est passée, l'éveil qui est en train de se produire, qui est absolument gigantesque, on se dit que oui, il faut. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part ce monsieur-là, moi je n'ai pas vu un seul dirigeant occidental qui a condamné l'action de monsieur Trudeau au Canada. Mais c'était la même chose avec les Gilets jaunes, hein. Tout le monde se taisait. Il n'y avait pas de réaction internationale. Hein, Macron matraquant, vous voyez, les espèces de police militarisées comme au Canada. Et c'était le silence radio partout dans les démocraties occidentales. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en grande partie, c'est une question de génération. Là, actuellement, il s'est écoulé suffisamment de générations pour que celles qui ont vu les horreurs qui se sont passées en Europe il y a 80 ans n'y sont plus, ou presque plus. Et les nouvelles générations, pour beaucoup, ne comprennent pas de quoi, en fait, au fond, il s'agissait. Et qu'aujourd'hui, peu, mais des gens de qualité parlent justement de cette manière à essayer de... Mais rappelez-vous, c'est comme ça que les pires horreurs sont arrivées. C'est par le fait qu'on a oublié à quel point le pouvoir peut être tyrannique et peut être destructeur. Eux, ils n'ont pas d'autres cartes dans leurs mains, tu vois. C'est la seule chose qu'ils ont, c'est attaquer l'autre en face, parce qu'au niveau des argumentaires... Vraiment, il est compliqué de défendre un mensonge aussi gros. Tu ne peux que augmenter la quantité de mensonges. Sauf que là, ils ont dépassé le stade où ils peuvent en ajouter, en fait. T'as tout dit, Léo. Ils ne peuvent que critiquer la personne en face. Sauf que Trump leur a enlevé la personne d'en face. Ce qui fait qu'il y a plus de personnes en face. Justement. Et c'est là où on revient à cette utilité d'avoir mis Biden en place, parce que du coup, bah, c'est, y a plus qui attaquer. Et du coup, les attaques n'ont plus aucun sens. Et il y a beaucoup de gens, d'analystes qui se sont interrogés. Et moi, à ce moment-là, je me suis posé la question, genre, la reine, elle est du côté des mondialistes ou pas? Et bon, alors après, il y a tout un tas de choses qui confirment que oui, elle est du côté des mondialistes par un certain nombre d'égards. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle qu'on a là, et ce que tu viens de dire, Léo, pourrait être, voilà, peut-être qu'elle n'est pas si clairement d'un côté ou de l'autre, la reine d'Angleterre. En tout cas, moi, j'ai un gros point d'interrogation sur ce personnage-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexis? C'est ta reine, après tout, alors. Ah, ouais. Pardon. Non, non, ce qui est la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ils disent, pourquoi on sort cette nouvelle-là, COVID, c'est-à-dire, comprenez que si, c'est quoi l'intérêt derrière ça, si on, c'est-à-dire que c'est voulu, hein, si la reine avait eu la COVID, et que ça avait été embarrassant, ils auraient dit, elle souffre d'autres choses. Mais là, maintenant, si on sort COVID comme ça, je sais, c'est la question que je me pose, à quel dessein, pourquoi on lui attribue la COVID comme ça, tu comprends? Bah, ça continue, en tout cas, pour moi, à mes yeux, ça continue de tuer le narratif. Le vaccin ne protège pas de transmission, et en fait, les grandes figures comme ça, en fait, ils font vraiment résonner ces messages bien plus que, par exemple, les affirmations même scientifiques, hein, en fait. Comme Colin Powell, tu sais, décédé de la COVID, double vacciné, etc. C'est ça qui a, je l'avais dit à l'époque, ça a fissuré le narratif. C'était certain que c'était les patriotes qui géraient les communications. C'était tellement embarrassant pour tout le narratif COVID que si ça avait été géré, si le décès de Colin Powell avait été géré par les mondialistes, ils auraient complètement fait disparaître tout l'aspect COVID. Hein. Il est décédé d'un infarctus, d'un cancer de longue date. Là, c'était COVID, et donc c'était clairement pas les mondialistes qui géraient les communications autour du décès de Colin Powell. Est-ce que c'est ça avec la reine? Je sais pas. Mais d'ailleurs, il avait eu le drapeau froissé sur son cercueil. Ouais. Michael, ouais, vas-y. Non. Ah, c'était Pépito. C'était Jean. Ouais, pardon. C'était moi. En ce qui concerne Elisabeth, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on nous alerte sur son état de santé, mais personne nous explique ce qu'elle a. Et du jour au lendemain, on nous dit « Ah, bah c'est le Covid et tout. » Enfin, moi, ça m'interpelle un petit peu, en fait. Quoi. Et moi, j'avais en tête que c'était une porte de sortie aussi. Mmh. On avait parlé de l'opération London Bridge, si je ne dis pas de bêtises. On avait publié un article là-dessus. En gros, c'est l'opération « Qu'est-ce qui se passe quand la reine meurt ?» Ouais, ok, on y va, on passe à la suite. Là, oui, Alexis, tu ne lèves pas le doigt ici, on se coupe la parole, c'est une habitude. Hein, c'est comme ça, moi aussi, mais les gens, quand je fais les entrevues, tout le monde dit que je coupe la parole tout le temps. Non, il y a des trolls qui jouent avec ça, ne les écoute jamais ceux-là, tu vois. Et comment tu peux te couper la parole si tu fais des lives seuls? Ils sont... Non, en tout cas, je fais des entrevues, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ils n'arrêtent pas de nous annoncer une deuxième pandémie. Et les gens ont beaucoup peur de ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du virus de Marbourg. Et on entendait beaucoup ça, c'est-à-dire il ne faut pas baisser la garde, ils vont nous sortir un deuxième virus, etc. Mais comprenez là que c'est après une pandémie comme celle-là et une population mondiale réveillée aux aguets. On s'est fait attraper en 2020 parce qu'on dormait au gaz. On se doutait de rien. On ne se doutait même pas moi, personne. On se doutait de l'ampleur que ça allait prendre tout ça. Hein, l'ampleur des mensonges gouvernementaux, jusqu'où ils allaient aller, etc. On s'est rendu compte de ça durant la pandémie. Eh bien, ça a réveillé énormément de personnes. Et même si Bill Gates dit qu'il y a un deuxième virus qui va venir, imaginez-vous le niveau de mobilisation. C'est comme si on est une armée de réserve. Déjà sur le terrain, prêts à se battre. C'est-à-dire, ils pourront pas nous refaire le coup une deuxième fois avec un virus. On est déjà mobilisés. On a déjà tous leurs arguments scientifiques. On doute de leurs experts achetés. On est capable d'aller chercher les études scientifiques par nous-mêmes. Comprenez, ça va être très difficile pour un Bill Gates de nous ressortir le coup d'un deuxième virus. Les gens doutent des médias maintenant. Crier au loup une troisième ou une quatrième fois, tu vois. À un moment donné, les gens sont comme « Ah ouais, ton virus... » Ils ont déjà fait le coup avec des vagues, tu sais, avec les variants. Le Delta, c'était comme un deuxième COVID. Hein? Puis après ça, il y a eu d'autres virus que d'autres... Et c'est comme si à chaque fois, ils nous refaisaient le coup, puis finalement, c'était jamais aussi dangereux qu'ils l'annonçaient. Puis là, ils vont nous refaire le coup d'un autre virus. On est déjà mobilisé. Ça peut pas marcher comme ça. Peut pas être leur plan. Ça peut pas être ça parce qu'on les attend à la. Tiens, on les attend dans au carrefour là. On est prêt. À moins qu'il soit utilisé justement pour que les gens se disent ouais, maintenant ils se foutent de notre gueule. Il y a aussi l'option de en fait on fait passer les effets secondaires du vaccin pour un virus en fait et c'est pour justifier les effets secondaires du vaccin. Sauf que si on a 30% de la population non injectée, ça va poser un problème à un moment donné sur le narratif. Ouais. Alors on va pas on regarde la vidéo ou pas du coup, on a compris. Bah là, en gros, le seul mot qui est important, c'est en gros, voilà, une petite interview. Elle est sous-titrée, vous pourrez la voir. Bill Gates, en fait, il dit malheureusement, c'est vers le milieu de la vidéo, malheureusement, le virus Omicron s'est répandu comme un vaccin et voilà, quelque chose comme attends, ça. Attends, attends, on va voir. Okay. C'est bon, on y va? C'est bon, go. Oui. Yes. Sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron. Is a type of vaccine, that is, it creates both B cell and T cell immunity, and it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. If you bon, do, on peut couper, sur... Ouais. Okay. Donc, moi, c'est le malheureusement quand même hein, qui m'interpelle un petit peu. Hein. C'est incroyable d'admettre. Tu lui regardes la face, c'est ça. Il dit malheureusement, il se rend compte que c'est comme un vaccin. C'est exactement ce que Robert Malone avait dit au mois de décembre. Il dit l'Omicron agit comme un vaccin, et c'est ça qui a déjoué complètement leur plan de pandémie à la fin. Tu sais, c'est-à-dire que ça agit comme les vaccins sont plus nécessaires. Il y a Omicron qui se répand partout. Il y a eu d'un côté Omicron qui annulait complètement la pandémie, plus de l'autre côté, il y avait ce vaccin militaire de l'armée américaine qui disait de toute façon, on a quelque chose de beaucoup mieux que tous vos vaccins qui ont été produits à la hâte. Et c'est ça qui a précipité la fin de la pandémie, selon moi, là, tu sais. Alexis? Non, pas no comment. Ok, je ne vais pas commenter sur le sujet. Ok. C'est la politique française. Je comprends. Je veux pas embarquer dans le processus, mais ce qu'on remarque, c'est que les mondialistes jouent très serré. Ils contrôlent toutes les institutions partout, et il y a toutes les apparences. Il laisse tomber toutes les apparences d'un système libéral, c'est-à-dire les médias maintenant, les médias maintenant, les masses sont tombées, ils jouent très dur, ne font pas de quartier. Même chose avec les oppositions dans les différents pays, il n'y a plus vraiment d'opposition. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'opposition. Même chose, c'est les universitaires, c'est en tout cas surtout au Québec là, c'est partout. C'est comme si tout ce qui permettait à la population de croire qu'il était dans un système avec des, tu sais, de ce qu'on appelle en anglais checks and balances, un système libéral, de la démocratie avec des contre-pouvoirs. Tout ça maintenant est retiré du jeu et il joue très dur et ça devient très très très visible maintenant que tout est bloqué, il n'y a plus d'oxygène dans la démocratie, etc. C'est comme si on est comme dans une impasse, ça passe ou ça casse. On est on atteint, disons, ce que j'ai appelé le point oméga de l'État et du système libéral. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même conclusion au Canada pour d'autres raisons, en fait. Ouais. D'ailleurs, je vais dans le sens aussi d'Alexis sur ce point-là, parce que j'ai déjà entendu les relents de certains candidats et même dans la presse dire « Oui, mais dans cette situation, entre autres avec ce qui se passe en Europe, etc., peut-être qu'il serait judicieux de ne pas changer de président immédiatement. Ouais. » Mais c'est le genre de réflexion que j'ai déjà entendu. Ouais. Affaire Epstein, l'ancien agent Jean-Luc Brunel, donc on rappelle le lien, et forcément dans la tête des gens, il a été suicidé aussi, tu vois, enfin, il s'est suicidé, ils se disent, mais attends, il y a un truc ça fait lever les sourcils de beaucoup de gens, de beaucoup de pilules bleues, si on peut les appeler comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Il y a deux possibilités ici. Dans le cas d'Epstein, j'ai fait genre 4 ou 5 webjournaux là-dessus. J'ai expliqué comment l'État sécuritaire américain, les Patriotes, n'auraient jamais mis Epstein dans une prison avec d'autres détenus. Étant donné que Jeffrey Epstein était l'espion le plus important. C'est un espion étranger, là, travaillait potentiellement pour le Mossad, etc. Étant donné qu'il connaissait tout le niveau de la corruption aux États-Unis, la totalité, ils avaient les clips sur tout le monde. Jamais il n'aurait pris la chance de laisser Jeffrey Epstein dans une prison seule comme ça. Et que le décès de Jeffrey Epstein était probablement la résultante d'un plaidoyer, c'est-à-dire où Epstein donnait tous les noms du réseau. des réseaux aux États-Unis, etc., en échange de sa vie. Hein. Donc, selon moi, Jeffrey Epstein n'est pas décédé dans sa cellule. On lui a donné la vie sauve en échange d'un plaidoyer. C'est-à-dire, il aurait été exfiltré, etc., ou il ne s'est jamais retrouvé dans cette cellule-là en commençant. Cela dit, pour des raisons de sécurité nationale, comprenez, Jeffrey Epstein était, je veux juste le répéter pour que les gens comprennent bien, un espion aussi important que les Rosenberg. Il y a un demi-siècle aux États-Unis. Les Rosenberg, je pense qu'ils ont volé et donné les secrets nucléaires américains à l'Union soviétique. Ils ont été condamnés à mort. Jeffrey Epstein, c'était l'espion le plus important depuis les Rosenberg. Dans le cas de Jean-Luc Brunel, il y a deux possibilités. Soit il a fait exactement la même chose que Jeffrey Epstein, c'est-à-dire un plaidoyer en échange de toutes les informations du réseau français, en échange d'un sauve-conduit pour sa vie, on présente ça comme un suicide, ou c'est le contraire, c'est l'état profond français qui, ne voulant pas, dans son cas à lui, parce que c'est Macron qui est au pouvoir et c'est pas Trump, là, c'est pas les patriotes qui sont au pouvoir en France. Et donc, en France, ça peut être différent de Jeffrey Epstein. Aux États-Unis, c'était les patriotes qui étaient au pouvoir, qui contrôlaient le département de la justice. En France, c'est pas ça. Donc, en France, ça pourrait être l'état profond français qui fait une job à Jean-Luc Brunel pour l'empêcher de parler. Tu comprends? Donc, c'est l'effet miroir, c'est le contraire de Jeffrey Epstein. On lui fait une job à Epstein pour l'empêcher de parler, alors que Epstein, c'est le contraire. On lui a donné, étant donné que c'est les patriotes qui sont au pouvoir, on lui donne un sauve-conduit en échange de toutes les informations sur le réseau et savoir aussi où sont cachées toutes les vidéos. Parce que les politiciens aux États-Unis ont été filmés hein, dans leurs ébats sexuels avec des très, très, très, très, très jeunes filles. Toute la question de la pédophilie, ça a été filmé, tout ça. Hein. Il y avait des caméras dans l'avion de Jeffrey Epstein, il y avait des caméras sur l'île de Jeffrey Epstein. Tous ceux qui ont été là-bas et qui ont participé à ces ébats-là ont été filmés. Là, on parle d'une partie de la classe managérielle des États-Unis, la classe politique, médiatique, artistique, les manias de la finance, les qui ont été filmés avec... Où étaient cachées les vidéos en échange de l'information? C'est clair que Jeffrey Epstein a probablement négocié sa vie. De toute façon, des narcissiques comme ça, c'est pas des gens qui ont une haute tolérance à la douleur. C'est pas des gens qui se suicident, là, tu sais, c'est... C'est des gens qui vont tenter de éventuellement de s'en sortir de la crise. Si ça se trouve, c'est ça la nouvelle pandémie annoncée par Bill Gates. Tu vois, c'est une pandémie de suicide parce que bah justement il y a tellement de gens qui sont impliqués dans ces affaires. Et ouais. Bah on a vu en France, la France déjà, elle est surnommée comme étant le pédoland, en fait, mondialement réputée, actuellement une plateforme de trafic d'enfants très très importante. Et on a vu au fil de nos lives également certaines personnes responsables dans les hautes sphères de la police nationale et de la magistrature être directement impliquées dans les crimes pédocriminels. Donc à partant de là, la mort de Brunel, qu'elle soit suicide assistée ou autre, ne m'étonne pas du tout. Voilà, c'est juste ça. Moi aussi, ça attire mon attention sur le fait que l'affaire Epstein redevient d'actualité. Ouais. Voilà. Ouais. Si je comprends bien, pour résumer, pour les gens qui viennent de découvrir de quoi on parle, Epstein et ce trio serait assez central, notamment avec Epstein et son île et ses appartements, pour inviter des personnalités connues. Les piéger en les filmant avec des prostituées, alors la plupart du temps mineures. D'accord. Exact. Et ensuite, on les faisait chanter afin qu'ils interviennent en tant que lobbyistes de l'État profond auprès de leurs États. D'accord. C'est exactement ça. Je mettrais pas Weinstein là-dedans. Weinstein, je le mettrais pas là-dedans. Lui, je pense que c'était plus... son truc personnel à lui, je pense que c'est un pervers. Je sais pas si il était probablement connecté d'une façon ou d'une autre, mais je pense pas que c'était le même genre d'opération que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, lui, ça allait beaucoup plus loin que ça. Là, si tu veux aller loin dans l'analyse de Q, il y avait des sur l'île de Jeffrey Epstein, ben c'est comme tu dis, hein, c'est-à-dire qu'on invitait le gratin, qu'on voulait faire chanter des politiciens, des journalistes, des gens qui contrôlaient des compagnies de technologie, etc. On les invitait sur l'île, on leur donnait accès à des très, très, très, très, très, très, très jeunes filles. Tout ça a été filmé et après ça, on pouvait les faire chanter. Il y avait sur l'île d'Epstein, et ça a été filmé, hein, Q en a parlé et ils ont été filmés des souterrains, c'est-à-dire c'est exactement comme dans la série L'île aux 30 cercueils. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous êtes tous trop jeunes. Pardon. Désolé. Regardez, vous pouvez la trouver, je pense, sur l'île aux 30 cercueils. Donc, il y a une espèce de secte sur une île en Bretagne et il y a des souterrains, des catacombes en dessous. Là, je vous vends le punch, comme on dit au Québec, là, mais il se passait des choses extrêmement sordides en dessous, dans les catacombes, des choses bien pires que de la pédophilie. Q a montré une image de Chelsea Handler qui pointait du doigt ou juste à côté d'une un moniteur avec différentes angles de vue de caméra montrant les souterrains sous l'île de Jeffrey Epstein. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et il y en a une qui s'appelait Dining Room. Hein, une salle à manger. Donc, puis là, pensez à Spirit Cooking Dinner, Maria Abramovic, tout ça, c'est à articuler ensemble. Je vais très loin, hein, Léo, mais... Non, c'est très bien, c'est juste quand que même, ce sont des sujets... Ça a été très important dans les messages de Q autour de 2018, c'est de ça qu'on parlait. Hein? Oui, et justement, la raison pour laquelle je réagis comme ça, c'est que d'un coup, c'est venu dans ma tête. Comment le monde va réagir quand il va apprendre ce qui se passe? On a appris par la suite que Q a dit, les imbéciles, ils ont laissé des téléphones cellulaires rentrer dans les corridors sous l'île. Un. Deux, on a appris par la suite, quand Jeffrey Epstein a commencé à avoir des problèmes, qu'il a été au courant que le département de la justice commençait à enquêter sur lui, il a fait bétonner tous les corridors sous les catacombes sous son île. Donc, ce qu'on nous montre souvent, c'est cette espèce de petite chapelle sur le haut de l'île en bleu et blanc, hein, avec l'espèce de dôme babylonien, etc. Mais ce qu'on oublie de montrer, c'est tous les souterrains. Et il y a un drone qui est passé au moment où Jeffrey Epstein est décédé dans sa cellule où il s'est fait arrêter, etc. Il y a des gens qui sont allés à proximité de l'île Saint James, et qui ont envoyé des drones qui ont filmé toute l'île et qui ont montré les entrées de ces. J'étais en train de chercher. On avait fait un article avec toutes ces vidéos-là. Elles ont toutes sauté d'internet, en fait. Voilà. Yeah. Et exactement. Et c'est ça, il a fait bétonner. Donc, pourquoi on voudrait bétonner avec du béton là, ces endroits-là? On peut juste nettoyer là. C'est pas juste avec du javel, tu sais, avec de la parisienne. On a bétonné tout ça. Alors, Il y a deux petites précisions que je voudrais apporter par rapport à ça, c'est que oui, il y a des gens qui se sont fait chanter, mais je pense qu'il y a deux catégories de gens qui se sont fait chanter. En gros, il y a ceux qui aiment beaucoup les enfants et qui allaient, genre, un Bill Clinton. Les convaincus. Allaient, voilà. Et il y en a d'autres, ils arrivaient, qu'est-ce que je fais là? On leur donnait un petit, ce qu'on appelle un roofie, une petite pilule, ils étaient dans les vapes pendant 2 heures, et puis quand ils se réveillaient, on leur mettait les photos de, tiens, regarde, qu'est-ce que t'as fait avec une petite fillette de 5 ans. C'est ça. Moi, je l'aimais moralement, hein, même si les deux sont compromis, ça a quand même une sacrée différence, je pense qu'il est bien mentionné. C'est ça. Et j'ai juste une petite précision à faire. J'ai cherché l'île aux 30 cercueils. Il faut savoir que si tu vas dans DuckDuckGo News, la dernière fois qu'ils en parlent, c'était il y a 3 ans. Et la fois d'après qu'ils en parlent, c'est aujourd'hui, il y a 10 heures. Ils te disent qu'ils sont... Si, ils sont en train de faire une série télé avec Virginie Ledoyen et ils en parlent aujourd'hui. Là. Moi, j'ai regardé cette série-là quand j'habitais en France. J'ai déjà habité en France. Hein. J'ai habité en France, moi, de deux à six ans, j'ai habité en France, en banlieue parisienne. Et je me rappelle avoir vu cette série-là à la télévision. Et j'étais très jeune, j'avais 5 ans, et j'étais terrifié. Elle m'a marqué. Et je l'ai cherché récemment au Québec, je l'ai retrouvé, j'ai regardé des extraits. Là, j'avais beaucoup moins peur, mais ça a marqué mon imaginaire. L'île aux 30 cercueils, à voir. Alors, il y a 21 heures. Ça vous donne une petite ambiance là, de Eyes Wide Shut, de Epstein, de tout ce truc-là. Version Bretagne. Les gars, le 11 février, on oublie ce qui s'est passé avec Durham. C'est gigantesque ce qui s'est passé avec Durham. Et en fait, il faut que le monde ait des choses à penser pour voilà et en bah, plus comme toi chose, ouais. Voilà, il y a ça et il y a aussi ce qu'Alexis a dit au début du live où il a tout dit en fait. C'est pour ça que j'ai dit merci d'être venu et à bientôt. C'est justement il a expliqué tout ça. C'est-à-dire, bah Alexis, si tu veux nous faire un replay, un résumé, pourquoi selon toi là ce qui se passe sous Biden et comment cela a un rapport avec le fait que Biden a dû gagner les élections et blablabla. C'est une mauvaise idée de me refaire dire quelque chose qui est sorti spontanément. Ça va être nécessairement moins bon. Alors, c'était vous. À nouveau spontané. Ce que j'ai dit, c'est la même chose qu'on dit tout le monde, c'est-à-dire que il y avait tellement de bienfaits à avoir Joe Biden être passé un moment à la Maison Blanche dans le bureau ovale, c'est-à-dire que Trump avait si Trump était resté au pouvoir et que les arrestations s'étaient produites sous un mandat de Trump, on l'aurait accusé de politiser la justice, d'utiliser la justice à des fins personnelles pour une vengeance personnelle, etc. Donc, il était important que ce soit quelqu'un d'autre assis dans le bureau ovale au moment où les arrestations de John Durham allaient prendre place. Mais il y avait aussi des trucs à l'international, par exemple des ententes assez impopulaires, par exemple comme sur le retrait des troupes en Afghanistan ou Trump a négocié en fait le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, mais si tu vois, connaissant les médias américains, si le retrait se passe effectivement sous un mandat Trump, les médias allaient critiquer Trump, lui mettre la faute, etc. Donc c'était encore une fois mieux que ça se passe sous Biden et on pouvait doubler avec un croc en jambe à Joe Biden juste un an avant les midterms pour précipiter sa chute et l'effondrement qui allait propulser les patriotes. Donc vers une reprise de la Chambre et du Sénat. Donc, c'est une entente. Donc, tu vois, l'Afghanistan, selon moi, c'est une concession qui a été faite à la Chine de la part des États-Unis. Les États-Unis occupaient cette forteresse naturelle au centre de l'Asie centrale, qui contrôlait, qui surveillait la route de la soie, etc. C'était clairement un irritant pour la Chine. La Chine qui a, selon toute vraisemblance, fait faux bond aux mondialistes avec cette épidémie de COVID. Au lieu d'avoir un virus très dangereux qui est sorti de la Chine, comme les vidéos qu'on montrait, finalement, c'est une petite grippe qui est sorti de là, peut-être un petit peu plus sévère qu'une grippe, mais pas tant. Donc, la Chine a fait faux bond au mondialisme, ça a aidé Trump. Trump, en contrepartie, a cédé l'Afghanistan, et là, ça semble être la même chose avec Poutine et le Donbass. Donc, cette reconnaissance de la Russie, du Donbass, etc., va faire graviter, va faire passer finalement une partie de l'Ukraine sous la zone d'influence russe. Et ce pivot stratégique, ce repositionnement stratégique a probablement été, comme l'Afghanistan, consenti par Trump, sauf que c'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est pas quelque chose qui peut être opéré par le président Trump alors qu'il est en fonction, puisque les médias allaient complètement le détruire, ramener cette histoire d'agent russe, que Trump est faible devant Poutine, etc. Donc, quand tu t'entends avec Poutine et avec Xi sur des gigantesques repositionnements stratégiques comme ceux-là, tu veux que qu'ils soient effectifs, qu'ils prennent place, alors que quelqu'un d'autre est en fonction et que ce soit cette personne-là finalement qui s'en prenne plein la tronche de la critique médiatique d'avoir été faible, etc. Donc, c'est une partie de ce que j'ai dit, mais Mais c'est ce que tu as dit, et c'est justement, c'est parfait parce que. Je dis aussi que le plan était comme absolument merveilleux. il était extrêmement bien rodé, tant en ce qui concerne la politique intérieure, le fait de vouloir, le fait de retirer Trump, ça crée un vide, ça crée un manque, et ça permet, comme tu disais, de pointer ceux qui ont fraudé, etc., et surtout ceux au sein du Parti républicain qui ont collaboré avec la fraude, c'est-à-dire démasquer tous les agents doubles au sein du Parti républicain, se débarrasser d'eux et de remplir complètement le Congrès et le Sénat de patriotes aguerris puisque Trump allait sortir les autres et mettre des personnes à lui à leur place. Donc, avec un président très, très, très impopulaire qui tire la marque démocrate vers le bas. Donc, les démocrates s'effondrent avec Biden. Trump fait le plein de patriotes. Pendant ce temps-là, Dis-moi un truc. Est-ce que concrètement, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un plan derrière. Donc maintenant, la question se pose plus. Cette histoire de Q et de ses annonces et de Trump, etc., c'est une réalité, d'accord? C'est juste qu'il y a beaucoup d'impatients, les QAnon, ok? Moi, je fais la part, ici, chez les décodeurs, on fait la part entre ceux qui parlent de Q et les QAnon qui parlent de Terre plate et de JFK Junior et de toutes ces choses-là, tu vois. Donc, il y a les QAnon qui parlent des dates et qui te disent ça va se faire demain et machin et truc, et du coup ils donnent des faux espoirs constamment, alors que ceux qui essaient d'analyser cette situation sérieusement comprennent que c'est hyper complexe ce qui se passe en ce moment et c'est un changement global, d'accord? Et c'est pour ça que moi j'avais donné cette date, c'est parce que je pense que jusqu'à là, on n'avait pas vraiment d'éléments flagrants, clairs, concrets, alors qu'aujourd'hui, on peut très facilement défendre cette idée du plan en arrière-plan, parce que notre théorie à nous, elle fonctionne. Elle nous permet de prédire des choses. Elle nous permet d'avoir une compréhension très approfondie de la géopolitique mondiale en ce moment. Chose qui n'est pas le cas de tous les fact-checkers et des médias mainstream qui changent d'avis comme la météo, quoi. Il faut comprendre aussi que si Q avait donné des dates à laquelle, auxquelles il était lié, ça aurait complètement échoué. C'est-à-dire, tu donnes pas la date de tu donnes pas le 6 juin 44 comme date d'invasion de la Normandie. Poutine, il a donné la date où il va envahir l'Ukraine. Mais voilà, c'est ça. C'est mercredi dernier qu'il doit envahir l'Ukraine. Ça fait plus mercredi qu'on attend, non. Alors, mais du coup, ma question, c'était, Alexis, si tu vois Trump faire toutes ces choses-là, est-ce que le fait qu'il cumule un pouvoir aussi important, est-ce que toi, des fois, ça te fait pas te poser des questions? Écoute, mais je veux dire, tout ça s'inscrit. Moi, je reste toujours sur le fait que Trump tient parole. Et quand Trump est arrivé le premier jour de son mandat, quand il a été assermenté, il a dit ce n'est pas le transfert d'un parti vers un autre, un transfert de pouvoir d'un parti vers un autre, d'une administration vers une autre, c'est un transfert de pouvoir du gouvernement américain vers le peuple. Okay? Mmh. Donc, c'est une façon... L'ensemble du mandat de Donald Trump va être marqué, selon moi, par un transfert de pouvoir vers le peuple. Mais cela dit, c'est-à-dire que pour combattre l'État profond, tu as besoin, éventuellement, tu peux pas... tu as besoin d'avoir des armes solides. Tu dois avoir comme une certaine capacité politique pour défaire une bête comme ça. Pense juste aux élections qui ont été depuis des décennies truquées aux États-Unis. C'est ce dont on se rend compte. Le peuple ne pouvait pas choisir ses représentants. Alors, tu sors un héros qui va aller sur le champ rencontrer le héros ennemi qui va le défaire, extrêmement puissant. Et puis après ça, tout repose là-dessus. Est-ce que Trump va remettre éventuellement le pouvoir au peuple? Mais ça va se faire puisque juste le fait d'avoir des élections justes et honnêtes, c'est en grande partie suffisant pour, redonner le pouvoir au peuple. À partir du moment où la population peut réellement choisir ses représentants sans fraude et qu'il y a une information libre et éclairée partout, c'est-à-dire qu'on retourne sur le modèle du journalisme objectif qui a déjà existé, hein, un journalisme neutre et objectif, pas un journalisme militarisé. Et aussi, à partir du moment où les agences de renseignement sont assainies et ne sont plus militarisées contre l'exécutif afin d'espionner l'exécutif pour le faire changer, etc., que le chantage politique a été, avec Jeffrey Epstein, a été, à partir de tout ça, à partir du moment où tout ça a été démonté, cette société, on entrevoit une réelle démocratie, tu vois? Cette société que tu décris, elle demande une population informée, éduquée et responsable, on est d'accord? Oui. Oui, il y a aussi le jeu des médias qui est important, parce que même si tu as une élection qui est juste, où tu peux pas frauder, mais que tu as les médias qui font une propagande de malade pour essayer de diriger quand même. C'est ça. Tu vois, il y a un rôle important aussi à faire de réveiller les gens, quoi. D'où l'importance de pointer les médias aussi comme fake news, puis d'avertir la population sur le biais médiatique, et c'est ce qu'il fait aussi. Et d'où l'importance du grand réveil, parce que le but, c'est pas justement, comme on le dit tout le temps dans toutes les émissions, de transférer l'autorité médiatique de lui à elle. Mais le but, c'est justement qu'on se la garde, notre autorité médiatique. Et je pense qu'après 2 ans de Covid, quand les gens vont se rendre compte que, ah, tiens, on nous a forcé à nous vacciner d'un truc qui va nous faire tout un tas de problèmes, il est possible que beaucoup d'endormis se réveillent. Ouais. Et en plus, avec la sortie de Truth Social, qui est un média social accessible à tout le monde et non censurable, je pense qu'on y est, quoi. T'en penses quoi? Moi, j'ai commencé à faire des vidéos en janvier 2018, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans. Et parmi les premières vidéos que j'ai faites, je ne sais pas si ceux qui m'écoutaient à ce moment-là, j'étais sur une espèce de divan brun, j'expliquais. j'expliquais que Barack Obama allait se faire arrêter. Tu vois, c'était à la suite du mémo Nunes, etc. Et donc, ça fait 4 ans qu'on attend ces arrestations. On avait l'impression, quand on lisait Q à l'époque, que c'était en train de se passer, que ça allait se passer avant le State of the Union Address, et puis que c'était une histoire de semaines, de quelques mois. Là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on sait que Barack Obama est un traître, qu'il a tenté un traître pour différentes raisons. Là, je pense que Q en a énuméré une bonne demi-douzaine. Mais qu'il avait trahi, c'est-à-dire qu'il s'était rendu coupable de sédition et de trahison dans toute cette opération d'Obamagate, d'espionnage de la campagne de Trump, et par la suite de torpillage de sa présidence. Trump l'a répété à plusieurs reprises, hein, c'est that's treason. Il l'a répété à au moins une demi-douzaine de journalistes en entrevue, that's treason. Et les journalistes qui lui ont dit, est-ce que vous êtes au courant, président Trump, que la trahison est coupable et passible de la peine de mort aux États-Unis? Il n'a pas répondu à ça, mais c'est it's treason. Puis ça remonte jusqu'à Barack Obama. Alors, pour moi, je suis bien content d'entendre que Durham progresse, etc., puis que ça remonte jusqu'à des personnes hautes dans le renseignement. Mais en ce qui me concerne, ça vise Barack Obama. C'est ça qui doit ébranler l'imaginaire collectif. C'est même juste Hillary Clinton. Si Barack Obama s'en sort indemne, ça serait comme, franchement, je dirais pas décevant, mais ça serait contraire à tout ce qu'on sait finalement, parce que c'est lui qui a piloté le dossier, hein. Donc, John Brennan, James Comey, Hillary Clinton, James Clapper, tous les hauts responsables du renseignement du Département d'État, certainement coupables. La question, c'est, est-ce que ça va se rendre jusqu'à Barack Obama? On sait que Trump a dit qu'il était coupable de trahison, tu comprends? Et donc, ça doit se rendre jusqu'au plus haut. Q nous a prévenu qu'il allait se réfugier au Kenya, hein, quand ils en ont terminé avec lui. Exactement, exactement ça. Donc, ça a toujours été à propos de Barack Obama, le traître, renegade, celui qui a fossoyé l'armée américaine, qui l'a sous-financé, qui a acheté de l'acier de basse qualité, qui a permis la vente de secrets d'État à partir du serveur d'Hillary Clinton et l'entreprise de Joe Biden en Chine, en Ukraine, etc. Tout ça a été piloté par le traître en chef, Barack Obama. C'est lui la cible derrière tout ça. C'est ça dont il faut se rappeler. Et c'est la raison aussi pour laquelle, étant donné que c'est quelqu'un de si haut placé, c'est un Afro-Américain en plus, Trump ne peut pas être là lors de l'arrestation de Barack Obama. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait à l'été 2020, lorsqu'un caïd, George Floyd, a été tabassé, arrêté par la police et décédé. 20 villes américaines à feu et à sang pour un vulgaire caïd. Et là, imaginez le symbole, de l'émancipation des Noirs ou du succès des Noirs aux États-Unis, arrêté, coupable de haute trahison, un salopard de première. Trump ne peut pas être là. Et donc, c'est pour ça que je dis Trump, il peut pas y avoir de retour de Donald Trump avant l'arrestation de Barack Obama. C'est comme... Mais c'est toujours ça, l'objectif a toujours été ça. Le reste, c'est comme des dominos qui tombent un après l'autre, et finalement, c'est je dirais peut-être l'avant-dernier domino, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière Barack Obama, mais l'avant-dernier domino, c'est Barack Obama, et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Faut pas le perdre de vue. Non, ben non, clairement. Non, mais en même temps, il y a que seulement 3-4 inculpations ici qui sont tombées pour le moment. Il y a quand même pas mal de gens derrière, et on voit que c'est en train de remonter de plus en plus. Et ça se confirme de plus en plus en remontant, donc faut juste donner un peu le temps aussi à l'enquête. C'est ça. Et que Cash disait aussi que malgré qu'on a l'impression que ça avance très lentement, pour une enquête de cette ampleur, en fait, Durham est extrêmement rapide dans son travail. Durham qui est entré en fonction en décembre 2017, je pense, en octobre ou décembre 2017. Octobre c'est ça. Ils l'ont en même temps que les premiers postes de Q. Hein, finalement, il a été nommé dans une fonction connexe, pas trop centrale, et par la suite, ils n'ont cessé de lui faire prendre du galon. Éventuellement, ça s'est transformé en enquête criminelle, et par la suite, juste avant l'élection, de façon complètement secrète, ils l'ont transformé en special counsel afin qu'il survive une administration Biden qui soit autonome. Sous Biden, mais... Et pour répondre à la question de tout à l'heure, de savoir est-ce que le plan se déroule pas, à part les gens qui ont lu ou se sont intéressés au drop de Q, qui est-ce qui avait planifié, qui avait prévu Durham et l'ampleur que ça aurait? Comme tu le dis, Alexis, toi, ça fait 4 ans que tu es au courant, bah nous, ça fait un peu moins, parce que moi, c'est regardant tes émissions que je m'y suis mis, mais à part les gens qui ont lu Q, là, ce qu'ils appellent les QAnon, enfin, même si, bon, vous savez la distinction qu'on y met chez les décodeurs, qui est-ce qui l'avait vu venir? Sérieux, tout le monde a dit Russie, Russie, Russie, Russie, Trump, Russie, il s'est fait faire pipi dessus dans un hôtel par une prostituée russe, Russie, Russie, Russie. Tout le monde, tous les spécialistes de l'information, ils se sont tous plantés. Que ce soit les Reuters, les AFP, les Monde, les New York Times et compagnie, ils se sont tous plantés. Et Trump, Trump les a alimentés. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... Tu sais, j'avais expliqué dans un Trumpologie 102 de quelle façon Trump alimentait les controverses à son sujet avec des fausses chicanes et tu vois, des fausses prises de bec avec son ministre de la Justice, Jeff Sessions, etc., etc. Mais il y a aussi, par exemple, Stormy Daniels. Hein, elle a admis récemment qu'il s'était rien passé. Et donc tout ça a été, c'est-à-dire que Trump a occupé les médias, les démocrates, etc., avec des histoires salées, des fausses chicanes, pendant qu'en coulisses, il mettait en branle la plus grosse enquête de l'histoire de l'humanité, probablement la plus grosse enquête en contre-espionnage, la plus grosse enquête entreprise judiciaire de l'histoire de l'humanité. C'est plus gros. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce que Durham est en train de faire, c'est plus gros que McCarthy là. Dans les années 50-60, avec la chasse aux communistes, etc., c'est plus gros que ça. Ça a des répercussions mondiales et comme tu dis, Léo, c'est la chute de Babylone. Et sinon, Alexis. Je vais le faire. Je vais m'y rendre jusqu'à 22 avec vous. Ouais, parce qu'en fait, après, tu fais un live, tu avais dit, c'est mais ça? Là, on y est rendu trop tard, là. J'aurais pas le temps de finaliser le truc. C'est pour ça que j'ai lancé la serviette sur le live. Avant 3h30, 4h, ça aurait été possible. Le passé 4h, c'est plus possible. Je serais rentré en onde dans une heure et c'est pas possible en une heure, là. Du coup, à cause de nous, tu vas pas faire un live. Ah. Mais si, tu fais un live, mais avec nous. Exactement. Oui, on est meilleur que les médias mainstream, hein, pour empêcher Alexis de bosser. Pourquoi de savoir 40 000 personnes, hein, qui nous écoutent, hein. Dans les journaux québécois, c'est ça, les amalgames. C'est extrême droite, trumpiste, fondamentaliste religieux. Ils ramassent tout ça ensemble, potentiellement terroriste. Tu sais, ils ramassent tout, toute cette, ils appellent ça une constellation, mais c'est, tu sais, c'est... j'ai cru comprendre que c'était très dur pour toi aussi que, dis-moi si je me trompe, mais on t'a même considéré comme un ennemi d'État, là, il n'y a pas longtemps, à un moment donné, au niveau du Canada. Ouais, c'est ça. Ouais, ils nous présentent, ouais, c'est du jamais vu, la façon dont ils nous présentent. Je pense qu'on a subi une couverture de presse encore pire que celle de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, au Québec. C'est-à-dire qu'on est vraiment démonisé, là. Je vois pas, j'ai pas connu de personnage politique, je peux me considérer comme un personnage politique ou un personnage médiatique aussi attaqué aussi, comment je pourrais dire, agressivement que je l'ai été. C'est du jamais vu, je pense, au Québec en tout cas. Sois reconnaissant, parce qu'il paraît que ce monde n'aime pas la vérité, ni ceux qui propagent la vérité. Et ceux qui propagent la vérité seront attaqués, mais grande sera leur récompense, oui. Ça fait à peu près 5 ou 6 personnes qui m'envoient soit des notes ou des vidéos de professeurs. Dans les classes de collégiales ici au Québec, on parle de Radio-Québec. Ça fait 5 ou 6 personnes qui m'envoient des clips ou des messages disant que je suis utilisé comme référence de genre désinformation, etc. Et on étudie mes vidéos pour décortiquer la désinformation dans les écoles du Québec. J'espère qu'ils leur font écouter les morceaux qu'ils parlent. Alors, soit ils me font de la publicité, on verra à moyen terme. Soit ils me font une publicité incroyable ou je vais passer à l'histoire comme le pire salopard. C'est un des deux. Non, prends ça comme une grande publicité et vraiment, ils te mettent en avant un truc de ouf, ils se rendent pas compte. Et merci pour tout ce que tu fais, Alexis. C'est un travail d'équipe, on fait ça ensemble. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se disent waouh, le site de Radio Québec est tombé. Là, je viens de checker, il est encore bien. Tout ça va bien de ce côté-là. Là, il est là, hein, il est là, le site de Radio Québec. Il va bien, il va très bien. Mais il y a une semaine, il y a plein de gens qui me disaient le site de Radio Québec. Oui, il y a une semaine, on a transféré l'hébergeur. On a changé d'hébergement et on a fait des petites modifications. Ça s'est traduit par une chute du site après le webjournal de dimanche, mais c'est correct maintenant, c'est sous contrôle. Super. Très bonne nouvelle. Bon, merci d'être venu. Merci. Merci. On lâche pas. On y est. Hein? On y arrive ensemble. On est arrivé maintenant. Ciao. Merci, Alexis. Ciao, Alexis.